Et bonjour à tous dans Fréquence BD. Je suis Benjamin et je suis heureux de vous retrouver après beaucoup de mois d'absence. Nous avons eu une libération de confinement, nous avons eu des vacances d'été, nous avons eu un retour à l'école, et puis nous avons eu un nouveau confinement, et Fréquence BD est de retour pour sa saison 2. Voilà, j'espère que vous êtes heureux de nous re-entendre. Pour ceux qui ne connaissent pas Fréquence BD, Fréquence BD c'est quoi? C'est une émission tous les premiers vendredis du mois qui vous parle bande dessinée, de l'actualité autour de la bande dessinée, et de temps en temps nous invitons des personnes du milieu, où voilà, nous parlons de tout ce qui touche la bande dessinée. Donc que vous soyez un fan absolu ou juste quelqu'un qui aime bien lire de temps en temps ces Tintins qui traînent dans l'armoire, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, bon, l'équipe n'est pas au complet, mais j'ai la chance incroyable d'avoir avec moi notre chère Marie. Bonjour Marie. Bonjour Benjamin, alors c'est un plaisir pour moi d'être avec toi virtuellement, malheureusement, mais et de reprendre l'émission. J'espère aussi que tout le monde, que vous allez tous très très bien, et voilà, c'est une joie partagée. Oui, parce que effectivement, nous, normalement, pour ceux qui vous ne pouvez pas le savoir si vous écoutez Fréquence BD assidûment, car en fait l'émission était censée être en direct, mais qu'à chaque fois qu'on l'a fait, il y a un confinement, donc ça pose un peu de problème. Mais bon. Il y a sûrement un complot derrière, mais bon, voilà, je ne fais que lancer. Je pense qu'on essaie de nous censurer, Benjamin. C'est ça. Nous sachons très bien que on ne veut pas que Fréquence BD passe, mais ce n'est pas grave, car le confinement ne nous empêche pas. On a une petite pensée à Gabriel et Jérémy qui ne sont pas là pour divers problèmes d'organisation, en particulier de ma part. Donc bon, ce sont des choses qui arrivent. Alors, dans cette émission, de quoi allons-nous parler? Alors, c'est très simple. Alors, dans cette émission, je vais vous présenter quelques sorties de bandes dessinées qu'il y aura ce mois-ci. On espère qu'elle sortira, parce qu'à chaque fois que je présentais des bandes dessinées, elles étaient repoussées à cause du confinement. Donc, on croise les doigts, donc c'est pour ça que je vous préviens. Ce que je vais dire, ça sera peut-être, si tout se va bien. Et puis, juste après, Marie, donc tu vas nous parler d'un coup de gueule, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, je vais parler un peu donc de toute l'affaire autour de la fermeture des BD et des rayons livres et BD dans les supermarchés. Est-ce que globalement, certains artistes essayent de... Enfin, les coups de gueule donc des artistes dans ce milieu-là. Et ensuite, une fois qu'on en aura parlé, parce que je ne sais pas encore combien de temps on va rester ensemble, le plus longtemps possible, je l'espère, nous allons parler en fait de tout ce qui est le passage à l'adaptation d'une bande dessinée, parce que la bande dessinée c'est bien, mais le problème c'est qu'en fait ça s'exporte mal, déjà dans les autres pays, mais surtout ça s'exporte mal dans la population globalement, parce que il faut lire et lire. Ça n'attire pas tout le monde. Et donc, pour adapter son héros de bande dessinée, quel autre meilleur moyen que le dessin animé ou le film? Et donc, on en parlera également de quelques adaptations qui sont à voir, à fuir, et puis même comment tout cela se passe, en fait, tout bêtement. Un beau programme. Et oui, c'est un programme plutôt compliqué, mais je pense que nous allons pouvoir réussir à le surmonter. Mais avant de savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir lire ce mois-ci dans vos rayons préférés, enfin ça c'est une autre histoire, on en reparlera, je vous propose une petite interlude musicale. Est-ce que Marie, tu as une idée? Vas-y tout de suite, là, ce qui te passe dans la tête. Alors ça sera SLT de Suzanne. Tu vas au boulot, tu marches seul, à la hauteur du H&M. Y'a un type qui gueule, salut bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4h, t'es si appétissante. Je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter, comment ça, t'as pas le temps? Et t'es pas célibataire, tu sais, moi je suis pas jaloux. Viens dans mon lit, ça va te plaire aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché, t'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents. Comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente. Marche sur le trottoir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant. De longtemps, trois fois par journée. T'as un hum, peut devenir violent. Si tu donnes pas le vrai, bats-toi fille. Bats-toi fille.

C'est, y a vraiment des épisodes où il a un regard très ironique et très enfant en fait sur ce qui se passe. Et d'un autre côté, voilà, il y a toujours ce double truc en fait. Dieu, c'est un adulte qui parle de son enfance. Donc quand il parle de choses qui sont extrêmement lourdes, hein, la guerre, d'une époque très compliquée. De vie, et donc il y a toujours ça qui est toujours présent, mais c'est jamais on n'est pas dans quelque chose de, en fait, quand c'est sombre, ça l'est de façon mélancolique, je dirais. Oui, une certaine mélancolie, mais il y a aussi de l'humour noir, c'est très une critique en fait, toujours sur le contexte et sur ce qu'il a vécu. Mais puis même le très très simple, hein, si on n'aime pas trop les détails dans les bandes dessinées. Et en parlant de détails dans les bandes dessinées, pourquoi pas vous parler enfin, je l'espère, ça fait 30 fois au moins, hein, que la suite est repoussée de Il faut flinguer Ramirez, Nicolas Petrimo, qui sortira, et je l'espère, le 18 novembre. Alors, Il faut flinguer Ramirez, est-ce que tu connais, Marie? Alors non, je ne connais pas du tout. Je te l'ai montré en plus la dernière fois. Je ne l'ai toujours pas lu. Tu ne l'as pas lu, c'est vrai, je dois te le passer. Mais en tout cas, une bande dessinée qui a reçu plusieurs prix en 2018, comme le prix des libraires, le prix des lycéens, le prix de tout. Une histoire folle d'un homme qui répare des aspirateurs, qui est traqué par la mafia. Enfin, c'est vraiment ouf, t'as l'impression de lire un film, oui, voilà, c'est ça, c'est l'expression, lire un film, tellement que ça bouge, que c'est vivant, qu'il y a des couleurs, que ça pète, que ça transpire les années 80 avec des néons de partout, enfin, années 50 plutôt. Mais quel engouement, ça se voit que tu parles avec ton cœur, Benjamin, c'est fou. Si tu veux, je l'ai acheté jour 1 en 2018, quand il est sorti. Et là, ça fait 2 ans que j'attends, 2 ans qui donnent des dates, 2 ans de s'y repousser. T'as même la version collector du premier tome qui est sorti entre temps. C'est plus tenable. Ça, je vois ça. Bon, écoute, on va espérer que ça sorte. Et d'ailleurs, quand même, je parle d'une nouvelle série, une suite d'une série qu'on a tous lu, Lou Sonata, le premier tome de Julien Nel, qui sortira également le 18. Alors, Lou, tu connais évidemment Marie. Évidemment, ça fait partie des classiques. Hein, Et d'ailleurs, un loup hein, qui est sorti en 2004. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, dans cette bande dessinée, le personnage principal, donc cette jeune fille, grandit au fil des tomes. Et c'était en même temps que les lecteurs. Et moi, je lisais pas trop loup quand j'étais petit, parce que bon, c'était catégorisé comme les BD pour filles. Mais en fait, non, c'est très très bien. Et voilà. Et dans la première partie, la première saison, on va dire, de Lou, on a vu Lou de sa scolarité du collège jusqu'à son début de vie de fac, hein, donc c'est un peu ce qu'on est en train de vivre, Marie, en ce moment. Exactement. Et là, en fait, dans cette saison 2 de Lou Sonata, en fait, c'est Lou qui débute sa vie d'adulte, de jeune adulte, hein, voilà, qui a son appart, etc. Et puis quand on connaît un peu l'histoire, la vie difficile que qu'a eu sa mère en tant que jeune adulte, voilà, ça va soulever beaucoup de questions entre tout ça, et je pense que ça peut être très intéressant à lire, Lou Sonata. Bah écoute, ouais, tu me redonnes envie de me replonger dedans, et je suis pas allée, moi j'ai beaucoup lu quand elle était enfant, quand elle était au collège, c'était... Ce que j'ai parlé, c'est peut-être aussi parce que c'est à ce moment-là que j'ai découvert cette série. Mais ça me donne vraiment envie de continuer, là, de voir comment ça évolue. Et je trouve ça très bien que le projet ait réussi à tenir jusqu'à... Enfin, qu'il y a vraiment une réelle continuité et un réel propos aussi derrière. Je trouve que c'est très intéressant. Lou, en dehors d'être une bête histoire d'une jeune fille qui découvre ce que c'est d'aimer le plus beau mec de sa classe et de partir en vacances avec ses copines, c'est également une histoire très profonde sur l'amitié, sur la séparation, sur le manque d'un père également, parce que elle est enfant d'une mère célibataire. C'est intéressant. Socialement, c'est intéressant parce que Lou, elle est pas non plus justement, elle est pas non plus c'est une enfance dans son appartement, là je me souviens de tout. Elle est dans un immeuble, hein, Lou, pas qu'elle est de la cité, mais disons que Lou, c'est la jeune fille qui a grandi dans les années 2000. Donc, Justement ça, c'était... Et puis justement, il y a aussi tout ce truc de c'est pas non plus... Elle est dans son monde à elle, dans son dans sa bulle, mais parce qu'elle elle est dans un dans une... Avec sa mère qui travaille énormément, le manque du père, et aussi la vie autour qui est un peu parfois brutale avec elle. Et du coup, c'était... Là, il y a vraiment une critique sociale, un aspect social derrière. Et je te demande de bien t'accrocher à ta chaise, car ce premier tome va faire dans les 130 pages. Donc, ce n'est pas rien. Hein, pour le coup, 130 pages de loup, c'est un plaisir. Et ensuite, alors en vrac, hein, voilà quelques sorties qui sortiront dans le mois. Le cinquième tome de Zombielennium. Zombielennium, hein, qu'on en reparlera tout à l'heure, qui est une série qui avait peiné à avancer à cause d'un court-métrage, je vous en parlerai. Le dixième tome d'Echo, hein, par les mêmes personnes, si je me trompe pas, qui ont fait Troll de Troie. Le 27e tome de Blake et Mortimer, parce que pourquoi pas. Et enfin, quelque chose qui nous parlera plus à tous les deux, ils ressortent l'intégrale des Idées Noires de Franquin, donc un incontournable de ce génie de la bande dessinée, hein. Les Idées Noires, tu les as déjà lues, j'espère. Oui, justement, je trouve que c'est très bien que ça ressorte dans notre contexte actuel, histoire de nous donner plein d'espoir. Hein, c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est vachement bien pensé. Alors, pour les 2-3 qui ont vécu dans une grotte, hein, ou qui ne s'en souviennent plus, tout simplement, les Idées Noires, c'est... c'est ce qu'a fait Franquin, donc le même créateur que Gaston Lagaffe. Ce qu'a fait Franquin, c'est énormément d'humour noir, c'est sorti chez Flux Glacial. Et vraiment, pour... en fait, quand tu lis les Idées Noires, t'en ressors pas bien. Tu peux pas dire, ah, j'adore me lire et relire les Idées Noires. Non, tu peux pas dire ça. C'est, moi, ça a vachement changé le regard que j'avais sur Franquin quand j'ai lu ça. Et attends, si ça a changé ton regard que t'avais sur Franquin, qui était plus habitué à faire des BD drôles, je pense que tu n'as pas encore vu les petits croquis qu'il s'est amusé à faire pour un album parodique qui s'appelait Baston Lagaffe, il me semble, Baston Labaffe, où il s'est amusé à faire des petits dessins coquins entre Gaston et Mademoiselle Jeanne. Ah, bon, comme quoi. Voilà, je vous invite à chercher sur internet Baston Labaffe, croquis Franquin, et vous verrez Gaston et Mademoiselle Jeanne dans des postures qu'on n'aurait jamais imaginées. Enfin bref. Suspense incroyable. Ah, suspense incroyable, on sait tout ce qu'ils ont fait. Est-ce que tu connais des bandes dessinées qui vont sortir ce mois-ci? Écoute, je pense que je ne vais rien rajouter à ce que tu as dit. Tu as très, encore une fois, très bien résumé l'actualité. Ça sont incroyables. Nous désirons pas. De toute façon, je vous le répète, hein, les dates sont... sont soumises à changement. Alors je répète, l'Arabe du Futur 5, sorti hier, Il faut flinguer Ramirez, qui sortira le 18, la nouvelle saison de Lou, qui sortira le 18 également, et puis d'autres belles choses, hein, qui sortent tous environ à la moitié du mois. Et avant que nous allons vous parler de tout ce qui est adaptation, hein, le thème de cette émission, qu'est-ce qu'on va écouter? Écoute, je pense que c'est à toi de choisir cette... C'est à moi de choisir, alors là c'est compliqué, là tu me demandes, tu sais quoi, ça sera une surprise, voilà, je ne le dis pas, et comme ça me laisse le temps de chercher pour la choisir. Qu'est-ce que t'en penses? Tu arrives à te démêler de toute la situation là, incroyable. Allez, on se retrouve tout à l'heure après une petite pause musicale. It ain't right, no. It ain't right, babe, no. It ain't Alors, est-ce que cette chanson t'a plu, Marie? Elle était incroyable. Elle était incroyable, mais tu n'as pas pu l'entendre. C'était un prank. Tu t'es fait avoir. Je suis désolé. Oh, la caméra, c'est ça? C'est ça, il y avait une caméra là-bas. Bonjour, vous êtes de retour sur Fréquence BD, l'émission qui vous parle de bande dessinée. Alors, Marie, avant, je m'en suis rappelé, mais avant que nous parlions adaptation de bande dessinée, tu avais un coup de gueule. Exactement. Alors, pas moi exactement, mais déjà, le chat Joël Sfar, parce que je lui mets les réseaux sociaux à l'heure matinale comme tous les jours. Et j'ai vu sur le profil de Joël Sfar, sans librairie, je ne pense pas, donc qui est édité par le mythique chat de Joël Sfar. Et en effet, s'il y a bien une chose qui ne change pas de ce confinement à celui de l'été dernier, c'est que les librairies sont encore fermées. Alors, avec une différence quand même notoire par rapport à celle d'avant, c'est que cette fois-ci, elle ne s'est pas faite dans le silence et dans la compréhension, comme ça avait été plus ou moins le cas lors du dernier confinement. Enfin, alors, qu'est-ce qu'il y a quand même une incompréhension dans leur fermeture. Il reste une incompréhension, mais on n'était quand même pas à ce point-là sur la contestation. Et parce que là, il y a quand même une certaine unanimité une totale incompréhension et de façon unanime, en fait, quasiment unanime du monde du livre et du monde des arts, hein, globalement. Donc, qu'est-ce qui a changé déjà? Bah, c'est peut-être le fait que il y a cette ouverture arrogante des hypermarchés de la tech la Fnac, on en entend beaucoup parler, et aussi le fait qu'il y a quand même cette première vague qui a été dans la gueule de tous les petits de tous les indépendants et aussi des artistes qui globalement ont quand même été plus ou moins soutenus par le gouvernement. Et voilà, et du coup ce ras-de-bol il se trouve vraiment dans toutes les sphères, donc du consommateur exaspéré de ne pas avoir son mot à dire sur ce qui est réellement essentiel pour lui, car comme du coup le dit le chat, la librairie c'est quand même les livres, les BD, les journaux, quoi qu'il en est, ça nous aide quand même à tenir, à penser et à s'ouvrir en fait. Et là tu te dis, ces livres et BD je peux encore les trouver dans mon supermarché. Et non, c'est là où toute l'absurdité, en fait, c'est que, du coup, suite à cette première gueulante de la part du monde du livre, en tout cas surtout des libraires, il y a eu une espèce de, je sais pas comment, un gloubi-boulga de conneries qui sont sorties. On appelle ça un mouvement de soutien. J'ai pas compris. J'ai dit, on appelle cela un mouvement de soutien des grandes surfaces. Oui, alors, si on veut être amer, on peut appeler ça comme ça. C'est des termes qu'ils ont utilisés. Moi, je suis désolé, je répète ce que j'ai entendu, mais justement, c'est soutien, mais soutien qui sert à rien. C'est ça le problème. Et en fait, ça dessert aussi plus qu'autre chose, parce que outre le fait que on se retrouve avec une situation qui n'a aucun sens, où les rayons livres sont bâchés, et maintenant bientôt aussi les rayons vêtements et tout, le maquillage qui va être enlevé, enfin bref, et donc c'est n'importe quoi, et en plus de ça, ça ne soutient absolument pas, parce que une réaction en cascade, c'est-à-dire que les rayons ferment, donc les artistes qui avaient entre guillemets une possibilité aussi de vendre dans les supermarchés, c'est mort pour eux. Et en plus de ça, ce qui fait c'est que les seuls points où c'est possible d'acheter, c'est soit en click and collect dans les librairies, soit sur Amazon. Or on sait que il y a eu les chiffres qui sont sortis sur le pourcentage en fait de gens qui ont acheté en click and collect, c'est très peu, il y a une marginalité en fait de ce recours-là à cet achat. Alors c'est dû au fait que c'est encore tout nouveau et que toutes les librairies ne sont pas adaptées et que les gens ne soient pas adaptés à ce nouveau mode de fonctionnement. Donc en fait, ce qui fait, c'est que ça renforce aussi les grandes chaînes sur Internet, donc Amazon notamment. On en parlait d'autres aussi, je pense à ces Discount ou des choses comme ça qui vendent aussi des livres. Donc en fait, ça le fait de fermer ne soutient pas, enfin, même si, enfin, c'est c'est logique. En fait, ils ont voulu dire ça, et c'est ça où tu peux dire, mais c'est complètement idiot. En fait, on fait, ouais, mais vu que les magasins de bouquins, ils sont fermés, nous, on ferme aussi nos rayons de bouquins, on est tous ensemble. Mais dans ce cas-là, tu fermes tes rayons et fruits et légumes, vu que les maraîchers sont fermés. Tu fermes tes rayons viande, vu que les boucheries sont fermées. Tu fermes les rayons céréales, vu que les... Enfin, tu vois, c'est interminable. Et puis au final, tu fermes le centre commercial. C'est totalement absurde et surtout que ça tient moyennement, on va dire, d'un point de vue sanitaire, parce que beaucoup disent aussi que déjà il faut pas oublier que le premier lieu de contamination du virus, c'est dans les lieux de travail et pas dans les lieux de commerce. Et enfin, le premier en tout cas, hein, je dis pas que les lieux de commerce sont pas aussi des zones où c'est possible, enfin il y a des agroupements de population, donc forcément logiquement le virus se développe aussi, mais le travail reste quand même le lieu où il y a le plus de gens. Donc c'est logique. Et donc oui, ça en fait on aurait pu tenir, enfin en tout cas il y a des hypothèses qui sont en train d'être étudiées, tout ça, scientifiquement je suis pas sûre de ce que j'avance, mais les petits commerces n'étaient pas non plus les lieux les plus concernés par des agroupements de personnes. Bah normal vu qu'ils étaient petits. C'était dans le nom, hein. Fallait voir. Mais en tout cas, suite à cela, donc suite à ce mécontentement un peu général qui matérialise, je trouve, quand même assez bien le fait que nos représentants sont complètement incapables de prendre des décisions logiques et rationnelles qui vont dans les intérêts de toute la population. Et il y a beaucoup de personnes qui ont décidé donc de manifester leur mécontentement. Alors ça va donc des maires, certains maires qui ont décidé d'ouvrir, à des artistes qui prennent la parole plus clairement, donc comme Joe Aspar qui a décidé donc de poster qui a posté pendant ces quelques jours de, enfin ces quelques premiers jours de confinement sur Instagram son point de vue un peu des biais politiques sur ce qu'il pense de la situation. Mais il y a aussi les parrains et marraines donc du projet l'année BD. Alors je sais pas si tu en as entendu parler, mais cette année nous étions dans l'année BD. C'est l'année créée à ce merveilleux art, donc voilà, le ministère de la culture avait décidé que c'était l'art de cette année. Il avait décidé que c'était l'année de la BD, hein, 2020, l'année de la BD, hein. On s'y reconnaît bien, d'ailleurs c'est l'année où est née Fréquence BD. Est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas, tout n'est que tromperie. Le complot finalement. Le complot, voilà, il continue et c'est pour ça qu'ils essayent de nous bâcher en mettant un confinement à chaque émission, mais je m'égare, c'est une autre histoire. Alors, donc cette année BD qui, suite au confinement, etc., avait prolongé jusqu'en juin 2021, donc avait avait des parrains et des marraines, dont quatre qui ont décidé donc unanimement de démissionner de leur fonction. Donc il y avait normalement, il n'y a pas eu pour des soucis organisationnels et matériel d'événements encore créés à l'honneur de ce projet l'année de la BD, mais il y aurait dû y avoir. Et du coup ces quatre parrains donc qui sont entre autres donc Jules, l'auteur de Lucky Luke, Régis Loaez, Catherine Meurice et Florence Seca, donc je ne sais pas si tu les connais tous, mais ils ont décidé unanimement dans un communiqué de presse de fermer. Et donc le communiqué de presse commence par vous la fermez, donc on la ferme. Voilà, donc c'est assez ça revient un peu sur l'incompréhension et l'absurdité de toute cette situation, et par soutien en fait aux libraires, aux artistes qui ne peuvent pas continuer ce qu'ils font normalement. Ils ont trouvé que finalement cette année de la BD était une, je cite, complète mascarade face à tout ça, quoi, et qui a. Et surtout qu'ils ont été pour l'organiser, leur fameux événement de la BD, parce qu'en été on a été déconfinés et apparemment le virus était parti en vacances. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais il est vrai, mais sur le principe, je peux comprendre que ça râle. Exactement, et c'est aussi voilà pour dénoncer aussi un peu le fait que globalement, je pense qu'on a tous entendu Roselyne Bachelot nous rabâcher avec l'importance de la culture, mais voilà, je pense que en tout cas toutes ces décisions, donc alors avec plus ou moins de poids, c'est vrai que c'est des décisions qui sont très symboliques, hein, voilà, ces quatre grands, eux, ils vont continuer à parce qu'ils ont une certaine renommée, à pouvoir continuer à vendre des BD, etc. Mais en tout cas, symboliquement, ça annonce bien la couleur. Et donc, je pense que ça nous permet de voir un peu au-delà des discours donc, qui ont été notamment prononcés par nos ministres, etc., pour nous rappeler l'importance de la culture. Elle est réelle, mais qu'est-ce qui est fait derrière? Et ce qui est fait derrière, c'est un peu déplorable. Et pour petit aparté, pour finir, c'est comme le pass culture, hein, 500€ offert aux jeunes à partir de leurs 18 ans. Je l'ai appris récemment, mais en fait, ça ne concerne que certaines métropoles en France. Donc voilà, c'est un accès à la culture à temps partiel. Mais après... Exactement. Mais bon. J'en bénéficie parce que je suis à Strasbourg. Ah, tu en as bénéficié, d'accord. Mais ça a ses côtés positifs. Après, effectivement, déjà, c'est pas sur tout le territoire. Mais il me semble, alors là, faudrait vérifier, mais il me semble que c'est encore un projet qui est en état d'élaboration. Et dans tous les cas, même sur les régions où il a été, où le projet a commencé, c'est très mal fait. Et il y a très très peu d'informations autour de ça. C'est-à-dire que moi, je l'ai appris grâce justement à une personne qui. Dans un projet, et sinon on nous en parle pas. Ah donc, si vous en parlez, il y aurait tous les jeunes qui viendraient réclamer leur fric. T'imagines un peu l'enfer, toi. La fric, une sacrée somme. Enfin bref, c'était la partie argent de Fréquence BD. Moi, je te propose que nous allons écouter une petite chanson ou une musique. Hein, c'est toi qui vois. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je laisse le choix. Je laisse le hasard choisir. Notre prochaine pause musicale. Eh bien, je demande au programmateur Fadjet, qui m'écoute actuellement, de choisir la chanson que tu veux, qui suivra juste après, celle que tu préfères, celle que tu danses avec en te douchant, celle que tu écoutes le matin au petit-déj, celle que tu écoutes tout le temps, celle où tu as rencontré ton compagnon ou ta compagne, je ne sais pas, en tout cas, la musique qui te fait vibrer. Nous, on va l'écouter patiemment, n'est-ce pas, Marie? Avec attention même. À tout de suite sur Fréquence BD. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. De retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée sur Fadjet tous les premiers vendredis du mois, présentée par moi-même, hein, Benjamin, et également en compagnie de la lectrice de renom, Marie. Alors, qu'en as-tu pensé du choix du programmateur Fadjet? Encore une fois, je trouve que ce programmateur a donc des choix musicaux incroyables. C'est vrai qu'il a de bon goût, c'est pas du tout ce qu'il a choisi, hein, je vous le dis. En tout cas, nous allons vous parler du cœur de l'émission, hein, le sujet parce que l'actualité était plutôt conséquente, il y avait des choses à dire, mais on va quand même vous parler de l'adaptation des bandes dessinées. Et alors pour le coup, j'avais prévu d'avoir un invité aujourd'hui, mais j'ai pas réussi d'avoir d'animateur, donc je vais essayer d'en avoir un pour l'émission de décembre. Voilà, je tease, hein, j'annonce. Oh, incroyable. Et oui, ouais, on n'arrête plus. Enfin, dans tous les cas, est-ce que tu sais quel est le héros ou héroïne qui, on va dire, était le point d'orgue de la bande dessinée française, le tout début. Héroïne, enfin, c'est difficile à dire comme ça, qui a fait naître vraiment la bande dessinée en France. Est-ce Ah non, oula, bien avant, c'était Bécassine. Ah, bien avant. Bécassine, mais oui, bien sûr. Alors Bécassine, c'était en 1905. Voilà, pour petite histoire, hein, Bécassine, c'est une bonne bretonne qui officie dans une maison de riche. Et ça a été publié au tout début dans un journal pour petites filles. Et le personnage de Bécassine, outre le fait que ça représente la BD française, hein, vraiment les origines, 1905, le tout début, c'est aussi un personnage qui a fait râler des générations et des générations de Bretons, car Bécassine, c'est une critique, enfin c'est une parodie, critique, moquerie des Bretons. Une caricature, tu veux dire. C'est ça, une caricature, mais sans l'être vraiment, et c'est ça qui a vraiment énervé. Mais c'est pas pour autant que je vais vous faire un cours sur Bécassine, car vu que nous parlons d'adaptation en film, est-ce que tu savais que, d'ailleurs, hein, l'une des premières bandes dessinées à avoir été refaite en film, c'était Bécassine, justement, en 1940. Ah non, je ne savais pas du tout. Alors voilà, bon, pour ceux qui aiment bien le cinéma, hein, c'était avec Paulette Dubost, Alice Tissot et Annie France, bon, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, voilà, c'était un film en noir et blanc, donc, en 1940, avec des vrais acteurs sur Bécassine. Bon, c'était pas ouf, mais voilà, ça restait une histoire qui se voulait raconter un truc. Et en fait, il y a eu une période, voilà, où dans les années 80, il y a eu un délire. C'était de refaire toutes les BD qui sortaient en ce moment en France, tu vois, et les refaire en film. Mais pas les refaire en film avec une histoire, mais les refaire en film pour dire, hey, t'as vu, il y a un film qui s'est fait. Alors, un des exemples que j'aime bien, c'est Fais gaffe à la gaffe, sorti en 81. Alors, Fais gaffe à la gaffe, est-ce que tu sais de quelle bande dessinée ça pourrait venir? Eh bien, cette fois-ci, je pense dire sans me tromper que ça viendrait de Gaston Lagaffe. Eh bien, oui et non, parce qu'en fait, Fais gaffe à la gaffe, c'est un film naze, vraiment. Pour te dire, il a tellement été mauvais que Franquin, le créateur de Gaston Lagaffe, a refusé que ce film existe. Il a dit, je ne veux pas que ce film existe, il ne doit pas porter le nom de Gaston Lagaffe. Et c'est pour ça que dans ce film, Gaston ne s'appelle pas Gaston, mais G. Enfin, il s'appelle juste G, hein, comme quoi l'imagination c'était pas mal chez eux. Et en fait, pourquoi je te parle de Fais gaffe à Lagaffe, Yannir? Je ne sais pas pourquoi tu me parles de Fais gaffe à Lagaffe. Fais gaffe à Lagaffe. Bah, tu vois, j'ai fait une gaffe en disant ça. Bah, le titre était très bien choisi, hein, quand ils l'ont fait. Bref. En fait, c'est parce que j'ai remarqué en faisant mes recherches qu'il y avait cette mode dans les années 80-90 de faire des films, en fait, où, Gaston Lagaffe, hein, chaque page est une blague. Et en fait, il y avait une mode, c'était de faire des films de mini-scènes. Voilà, c'était plein de mini-scènes qui suivaient. C'était assez étrange, en fait. Et surtout, c'était pas des scènes qui suivaient en dessin, c'était avec des vrais acteurs. Et ce qui fait... Mais il n'y a pas de continuité? Bah si, il y a quand même un fil rouge derrière, mais par exemple, pour prendre un autre exemple, ça fait beaucoup d'exemples, Les Bidochons, le film sorti en 87, est-ce que tu connais Les Bidochons? Non. Alors Les Bidochons, des flûtes glaciales, c'est un couple de retraités qui se font chier, hein, typiquement, et puis bah ils vivent leur vie de retraité, quoi, tu vois. Ouais, de petits vieux, tu peux dire le mot, assume. C'est ça, de petits vieux, mais si tu veux, voilà, c'est pareil, c'est des scènes d'humour où, c'est de l'humour beauf, raciste, sorte de vieux. Enfin, c'est pareil, mal accueilli ou alors. Alors là, par contre, j'ai pas la date. Je vais essayer de chercher ça rapidement. Le film Gros Dégueulasse. Alors, est-ce que ça dit quelque chose? Pareil, j'ai jamais entendu parler. Alors, Gros Dégueulasse. Alors, attends. Voilà, ça a été fait en quelle année? Gros Dégueulasse, hein, pareil, 85. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire de Gros Dégueulasse? C'est un homme, un gros, qui se balade en slip partout dans la rue et qui se masturbe dans la rue, qui boit beaucoup d'alcool, qui aime bien faire chier les femmes. Enfin bref, on peut le dire, c'est un parfait connard, hein, si je prends le mot. Hein, c'est ça, c'est Gros Dégueulasse. Et typiquement, le film, c'est Gros Dégueulasse qui, en fait, dans la bande dessinée de Gros Dégueulasse, le perso, il parle tout seul, mais en fait, il parle au lecteur. Et ben là, en fait, on a un film où l'acteur qui joue Gros Dégueulasse parle au spectateur. Donc en fait, il brise le quatrième mur en permanence pour raconter ce qu'il fait. Tu regarderas des extraits, c'est très perturbant, c'est limite une parodie. Le gars, il dit, moi, il y a une scène, il est près d'une piscine, il dit, moi, quand je vais dans une piscine, ce que j'aime bien, c'est de sauter à la planche. Et donc, ben, il fait ça en sautant à la planche. Tu vois, c'est surréaliste comme façon de faire. Je vois un peu ce que tu veux dire et ça c'est un vrai problème dans les adaptations, c'est qu'en fait je pense que c'est même l'un des problèmes majeurs, c'est que il y a tout un vocabulaire et tout à une façon un humour en fait qui est vraiment spécifique à la BD, qui joue avec le fait que ça soit une œuvre littéraire, une œuvre de papier, et justement le briser un quatrième mur en BD et briser un quatrième mur en film, c'est pas la même chose. Ah, ça c'est pas du tout et pareil. C'est comme si t'allais voir un film Black et Mortimer et que le texte qui est au-dessus de chaque case de la BD Black et Mortimer, c'était Black qui te le disait, tu sais, ça n'a aucun sens. Oui, non, mais totalement. Et en fait, je pense que le problème, c'est de trop facilement faire une simple traduction, enfin, justement, ne pas traduire, et simple copie, en fait, de cet humour-là en BD, en film. Enfin, et c'est ne pas comprendre, finalement, le microcosme qu'a créé la BD en brisant le quatrième mur, tout ce qu'elle a. Puis, ça me fait penser aussi, par exemple, pour reparler de Gaston Lagaffe, il y a parfois des blagues faites autour du fait que ce soit dans les cases. Ça, c'est impossible à refaire en film. En tout cas, pareillement. Tu peux jouer avec le cadre, mais pas de la même façon. Et donc, vraiment, le faire... ouais, simplement une copie, ça marche pas en fait, et c'est assez dommage. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de, enfin, en tout cas, pour quand on adapte quelque chose, de l'adapter réellement, c'est dans le mot, hein, c'est tout con, mais c'est de l'adapter à un nouveau média parce que sinon, ça marche pas. Et le problème, c'est, je te coupe la parole, excuse-moi, c'est que de faire une adaptation qui se veut trop fidèle à la bande dessinée, ça fait l'élève de Cobu qui est en 2011 et qui a repris. Cette même erreur, c'est de... En fait, c'était vraiment bizarre, parce que quand L'élève du Cobu est sorti en 2011, j'avais 10 ans, j'étais un fan absolu du Cobu. J'avais lu, relu les tomes une vingtaine de fois chacun, tu vois. Et rien qu'en regardant la bande-annonce, il y avait des phrases, je les reconnaissais. Tu vois, c'était les mêmes phrases, des gags, mot par mot pour mot, tu vois. Et je savais ce qu'allait se passer ensuite, et donc ça détruisait totalement l'effet de surprise. Parce que du Cobu, c'est quoi? C'est un élève qui fait des conneries. T'avais mille et une façons... de refaire un élève qui fait des conneries sans reprendre mot pour mot la bande dessinée, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est aussi... Et le pire, c'est que t'es quand même allé voir le film. Non, bah ça, c'est normal, une curiosité, c'est comme ça aussi, mais c'est vrai que je pense aussi que, bah justement, encore une fois, les bulles de BD et les répliques d'un film... c'est pas adaptable. En tout cas, il y en a qui peuvent être adaptables, et tu vois, par exemple, certaines qui peuvent être iconiques, et dans ce cas-là, c'est vraiment un clin d'œil à la BD, et c'est bien fait. Par exemple, dans Astérix et Obélix, tu vois, j'y pense, il y a dans certains films, ils ont réussi à capter vraiment des phrases qui étaient vraiment iconiques, et de les adapter, mais tout n'a pas été gardé. De quel Astérix et Obélix tu parles? Ceux en live, ceux en dessin animé, ou ceux en animation 3D qu'on a eu récemment? Parce que Astérix avait connu beaucoup, beaucoup de films, en fait. Ça, c'est la question que je te pose. Moi, je parlais des films, du coup, vraiment avec les acteurs en live. Je pense que c'est ça que t'appelles. Mais oui, je parlais de ceux-là, en tout cas. Ok, parce que moi, je pensais à ceux des dessins animés qui, pour le coup, respecter parfois trop fidèlement la bande dessinée. Voilà, mais bon, ça c'est tout un problème. On n'y peut rien aussi, mais voilà. Et donc, non, mais voilà, c'était simplement pour dire que, bah voilà, dans un film, en fait, il y a un vrai travail de scénario, à faire, et c'est fait par, enfin, ça peut être fait par les gens qui ont fait la BD. Il y a pas de problème. Mais en tout cas, il y a un travail de scénario et d'adaptation du texte. Sinon, s'il y a une reprise mot pour mot des bulles, bah pareil, en fait, on perd le côté cinéma. Et bah justement, il y a par exemple Arthur Depin qui a créé la série Zombielennium, qui a fait une pause sur sa série principale, je crois qu'elle a duré 3-4 ans, pour faire le long métrage Zombielennium, et où c'est une histoire totalement inédite. Et bon, le film a été moyennement reçu. Et pour le coup, vu que le gars, il avait déjà fait des courts-métrages, il savait ce que c'était, tu vois. Et pareil, tous les films Astérix Obélix qui étaient faits en dessin, c'était fait par les créateurs. Donc il y avait souvent, quand le créateur est dans le coin, tu vois, et qu'il n'est pas juste consultant, il y a quelque chose qui plaise, hein, parce que bon, la tendance en ce moment, c'est que tous les films adaptés de bande dessinée française faits par des Français, c'est soit mouais, soit c'est compliqué, mais pourtant, dans le lot, Marie, il me semble qu'il y a quelque chose qui t'a profondément marqué. Alors, exactement, et juste pour rebondir avant de parler de l'adaptation dont je voulais vraiment parler, il y a Petit Vampire qui est sorti il n'y a pas longtemps, et justement qui a reçu une assez bonne critique, même s'il est vachement plus condensé, parce que évidemment, tous les tomes qui sont sortis de Petit Vampire, je ne sais pas, encore une fois, mais il n'a pas eu le temps encore de développer une très grande critique, mais pour le coup, ça serait à nuancer ce que tu dis, mon cher camarade Benjamin. Ah, pour le mais, coup, Petit Vampire, je ne pourrais jamais te suivre en disant que c'était un film bien, vu que Petit Vampire me terrifiait quand j'étais petit, donc voilà. Je veux connaître cette anecdote. Et je te la raconterai plus tard. Oh, je suis extrêmement déçue, mais ça va pas m'empêcher de continuer mon propos sur Persepolis, du coup, qui a été réalisé par Marie-Jeanne Satrapi. Donc Marie-Jeanne Satrapi, c'est une cinéaste, une autrice de BD et une femme extrêmement intéressante qui est donc iranienne et qui raconte donc dans Persepolis sa vie lors de la révolution islamique dans son pays et son enfance aussi. Donc Persepolis, c'est 4 tomes donc qui sont sortis de 2000 à 2004 et le film a donc l'adaptation est sortie lui en 2007. Donc je trouve que c'est une adaptation intéressante parce que elle a été réalisée justement par Chris et par Vincent Tarvano qui est aussi un auteur de BD. Et il y a une réelle continuité dans l'œuvre, en fait, dans les deux œuvres qui se complètent extrêmement bien. Alors, j'ai pas lu les 4 tomes, mais j'ai lu les 2 premiers. Et évidemment, il y a beaucoup plus de détails, il y a une vision vachement plus intimiste. Et point de vue de l'autrice, hein, on est vraiment dans les pensées de l'autrice d'une autre manière. Mais le film est extrêmement intéressant et très très bien fait sur beaucoup de points. Et j'ai connu en fait la BD par le film et ça m'avait extrêmement plu, donc ça m'avait autant plu, ça m'a fait découvrir plein de choses, mais c'est un peu du futur en fait sur le côté politique et sur le côté ça m'a beaucoup fait penser à ça, sur le côté aussi enfance du coup dans un pays qui est contaminé par la guerre et par les divisions et par une atmosphère vraiment très très lourde. Et d'un autre côté, une vision d'enfant du coup qui évolue dans un monde criblé de part en part. Et voilà, et c'est aussi un livre qui est excellent sur plein de sujets. C'est un livre qui va te parler du corps des femmes, de Dieu, de la relation aux parents, du punk, du voile, de l'école. Enfin voilà, je pourrais continuer pendant des heures. Si c'est vraiment un seul bande dessinée à conseiller, ce serait Persepolis. En tout cas, je trouve que c'est une très très bonne adaptation. Alors je pense que, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et oui, si c'était vraiment si je devais conseiller quelque chose sans aucune objectivité et simplement parce que j'ai aimé, ouais, je conseillerais Persepolis. Les deux, même le film et la BD, vraiment, sont d'une qualité similaire. Merci beaucoup. Et leur tourne, alors je vais essayer de me dépêcher pour pas me faire taper sur les doigts. Tu as dit quelque chose de très intéressant quand tu parlais du film Persepolis. Tu as dit, ça m'a fait découvrir la bande dessinée du même nom. Et en fait, justement, donc comme je l'avais dit au tout début d'émission, hein, petit flashback, moi je le mettrai pas, mais en fait voilà, donc toutes ces adaptations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, font de la pub en fait pour le support d'origine, donc la bande dessinée. Et bah, je voulais te parler un petit peu des dessins animés, parce que les dessins animés, c'est ce que regardent les enfants le matin, et donc t'as plus de chances que l'enfant il découvre ta BD grâce à un dessin animé que plutôt un film. Tu vois ce que je veux dire? Alors je vois. Je veux dire, mais je pense que c'est encore à nuancer parce que les films et les dessins animés sont des vraies œuvres en elles-mêmes. Oui, c'est pas simplement des films. Je ne dis pas que dessin animé est mieux que film, mais je dis juste que en termes de récurrence, tu seras plus amené à voir le même dessin animé que le même film. Et ça dépend, mais vas-y, je t'en prie, continue. Merci. Je voulais prendre un exemple. En 2015. Voilà, un nouveau dessin animé, Boule et Bill, a été sorti à la télévision. Donc 52 épisodes avaient été commandés par France Télévisions. Et à ton avis, combien a coûté la production, donc la production de ces dessins animés, compris le prix pour pouvoir exploiter la licence Boule et Bill? Ton avis, combien ça a pu coûter de créer ces épisodes de dessins animés? Alors déjà, j'espère que je gagne quelque chose si je dis le chiffre juste. Et ça sera ma paye, parce que non, je tiens à le dire, n'est-ce pas, Benjamin, tu m'exploites. Et je dirais, je sais pas, 3 millions. Eh bien, tu es très loin du compte, 7,3 millions d'euros. Une série en dessin animé. Donc, c'est très très cher, pour le coup. Ouais, c'est conséquent, effectivement. Et c'est là où je me dis qu'en fait, on est des vieux cons de dire que les dessins animés sont moches, vu que le prix qu'ils coûtent à faire. Mais voilà, pour dire que... On est nostalgique, c'est pour ça. On est nostalgique, c'est vrai. Mais dans tous les cas, bah, les adaptations de dessins animés hein, comme Boule et Bill, ou Cédric, hein, qu'il y avait aussi en 2001, où c'est le gosse qui fait des conneries, bah, ça marche toujours autant. Donc bon, il faut pas s'étonner si ça continue à marcher. Mais voilà, le problème, c'est qu'il y avait une adaptation au cinéma de Boule et Bill qui est sortie récemment, mais je trouvais que ça se concentrait trop sur les acteurs adultes que sur l'enfant, mais ça, c'est mon avis. Et d'ailleurs, un des problèmes que posent les adaptations des bandes dessinées en dessin animé, c'est quand le dessin animé ne correspond plus au public de la chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Je pense par exemple aux Légendaires qui avaient eu le droit en 2017 à leur saison 1 sur T'es Fou. Et les Légendaires, hein, brièvement, l'histoire, c'est 5 héros dans un monde imaginaire avec des elfes, etc., qui combattent des méchants. Et le truc, c'est que plus on avance dans l'histoire, plus il y a des méchants qui détruisent des villes, des membres qui sont coupés, des personnages qui meurent. Et ce qui fait que bah, la saison 2 n'a jamais été commandée, parce que c'était chaud de passer ça sur T'es Fou le matin. Et c'est là où, en fait, on voit un des gros problèmes de ces adaptations. C'est que choisir? Est-ce que rendre l'histoire un peu plus lisse, en sachant que bêtement les gens vont faire le lien entre film venant d'une bande dessinée dont c'est pour enfants, ou alors surtout quand c'est en image, quand c'est en animation, quand c'est avec des vrais acteurs, les adultes ils vont plus réfléchir à amener leur enfant voir ça. Mais voilà, on peut se poser cette question. Est-ce que faire? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée au risque justement de dénaturer tous les propos tenus dans l'œuvre originale, ou est-ce que au final, est-ce que c'est pas bien de faire découvrir d'une autre façon pour amener justement à la découverte de l'œuvre finale? Écoute, très rapidement, je pense que c'est une fausse croyance qu'on a de considérer les enfants comme incapables de comprendre. Évidemment, c'est une fausse croyance. Quelque chose qui est plus adulte et plus mature. Et non, mais justement, c'est une erreur de la part de la télévision, en fait. Je pense de considérer ça comme ça, parce que il n'y a pas que avec cet exemple des Légendaires, hein, ça vraiment, c'est pas le premier. Moi, par exemple, il y a Dofus, mais je vais pas développer parce que, enfin, Wapfu, parce que du coup, c'est pas le sujet. Parce qu'on a plus le temps. En tout cas, oui, on a tout le temps, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est une erreur et je pense que les enfants sont capables de comprendre n'importe quoi et qu'au contraire, c'est comme ça qu'on pose des questions, c'est comme ça qu'on découvre des choses et c'est vraiment voilà, moi je trouve que c'est très dommage de pas suivre finalement que les auteurs et que les créateurs n'ont pas cette indépendance-là de pouvoir faire des personnages matures car ils doivent s'adapter au public. Je trouve que c'est vraiment dommage. Voilà. Et je voulais aussi vraiment, je voulais la placer celle-là, la Tintinception. Ah oui, il faut. Voilà, juste ça, c'était une mode qui se faisait dans les années 2000. Heureusement qu'ils ont arrêté. Et ça se faisait avant, mais ils ont continué jusqu'aux années 2000. C'était, en fait, ils font un film qui vient d'une bande dessinée avec des vrais acteurs. Puis, ensuite, ils prennent des captures d'écran du film et ils refont la BD avec des images du film. Enfin, c'est tout un délire et je trouve ça vachement drôle, en fait. C'est vraiment, t'as une BD, tu le mets avec des vrais acteurs, tu prends les vrais acteurs, tu le remets sur un bouquin, tu le présentes format roman graphique. Écoute, quand tu as besoin de faire de l'argent mais que t'as pas d'idée, ça marche très bien. C'est ça, et le pire, c'est qu'après, on se retrouve comme un con où j'ai Tintin et les oranges bleues juste à côté de moi. Je n'ai jamais vu ce film et j'ai le bouquin. Est-ce que je peux dire que j'ai vu le film? Non, j'ai juste lu le bouquin du film. C'est un peu étrange, mais ça a le mérite d'exister et puis ça permet, je sais pas, les gens qui aiment pas lire des BD mais qui aiment bien lire les aventures de Tintin et des images du film. Enfin, pourquoi pas, hein? Ouais, bah il faut tout pour faire un monde, tu me dis. Qui sommes-nous pour juger? Enfin bref, Marie, ça va être la fin de Fréquence BD. Oh non! Mais si, on se retrouve en décembre avec, je l'espère, plus de monde et je l'espère sans souci. Mais en tout cas, c'était un plaisir de... Et déconfiné. Et déconfiné, c'est vrai, mais bon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté Fréquence BD, votre émission BD sur Fadjet. Et à la prochaine! Oh.